Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 15 juin 2022. Voici les grands titres de cette édition. L'Assemblée nationale vient d'adopter un projet de loi portant ratification de l'accord d'assistance de 400 millions de dollars américains entre les États-Unis d'Amérique et le Burundi. Il s'agit d'un don qui servira dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'humanitaire. Les citadins de Bujumbura demandent au président de la République de s'attaquer aux problèmes relatifs à la vie chère. Évariste Ndayishimiye totalise au 18 juin 2 ans au pouvoir. Poursuivrait le micro-baladeur de la rédaction. Et des femmes de la ville de Kanyanza ont abandonné leur famille de retour des pays des Émirats arabes unis. C'est la désolation chez leurs anciens maris. Notre correspondant sera en ligne pour plus de détails. Et dans la chronique Parlera sur moi, un expert en transformation des conflits nous donnera des éclairages sur le discours blessant et ses conséquences sur la vie en communauté. Et dans le reste de l'actualité africaine, des violences tribales ont fait plus d'une centaine de morts au Darfour depuis le début du mois de juin, selon l'Organisation des Nations Unies. Rebonjour. Adoption ce mercredi par l'Assemblée nationale du Burundi d'un projet de loi portant ratification de l'accord d'assistance de 400 millions de dollars américains. Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Burundi. Le ministre en charge des relations extérieures a expliqué que cette assistance est une aide qui ne sera pas remboursée. Il ajoute qu'elle est destinée à l'éducation, à la santé et au domaine humanitaire. Les élus du peuple ont exprimé leurs préoccupations quant à la supervision de l'utilisation de ce don. Le ministre Albert Shingiro a rassuré que les ministères concernés sont en train d'élaborer des projets appréciables pour l'usage efficient de ce fonds. Certains citadins de Bujumbura apprécient la volonté du chef de l'État de sensibiliser les jeunes à travailler ensemble pour élaborer leurs projets de développement. Au moment où le président de la République, Evariste Ndayishimiye, totalise 2 ans au pouvoir ce 18 juin, ceux qui se sont exprimés sur le micro-trottoir de la rédaction Isanganiro demandent au président de la République de mettre en œuvre sa politique de construire les infrastructures publiques et de s'attaquer aux problèmes relatifs à la vie chère. Suivez-les. Moi, en tant que peuple burundais, avec le 2e anniversaire du pouvoir de notre cher président de la République, son Excellence Evariste Ndayishimiye, il va totaliser bientôt 2 ans. Ce que moi je peux dire est que, en côté politique, sa politique a été bien positionnée, puisqu'il a fait tout le moins possible pour que tous les peuples burundais puissent vivre ensemble. Côté politique encore, il continue à faire tout le moins possible, voir comment est-ce que les partis politiques puissent vivre ensemble, ainsi que leurs membres. Nous souhaitons maintenant qu'ils continuent à faire le tout moins possible, voir comment la cohabitation peut continuer à être bonne. Moi, comme l'un des citoyens burundais, je remercie à Monsieur le Président de la République ce qu'il est proche des jeunes. Il essaie vraiment de consoler la population burundaise, surtout les jeunes, à les encourager de bien fournir des efforts pour au moins mener des activités génératrices de revenus. Pas plutôt attendre d'être embauché par l'État, mais plutôt il les encourage à fournir des efforts pour au moins s'attirer à d'autres activités comme l'agriculture, l'élevage. C'est un signe très reconnaissant pour le président de la République parce que nous voyons d'ailleurs que les jeunes qui se sont engagés dans ce domaine, maintenant, ils trouvent facilement de l'argent pour subvenir à Nous demandons à notre président de la République à ce que la hausse des vivres, si possible, peuve diminuer, puisque s'il y a la hausse des aliments alimentaires, à savoir les haricots, les riz et d'autres choses qui viennent au secours des basses populations, en tout cas, ça serait mieux de voir comment est-ce que ces choses-là peuvent être à la base pour que la possible population puisse s'accaparer des choses qu'ils veulent. Il y a beaucoup de routes qui ne sont pas en bon état. On peut travailler ces routes et côté sécurité, on peut dire que pour le moment, la sécurité règne presque à toute l'étendue de la République, puisque pour le moment, il n'y a pas de l'insécurité du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes les personnes vaquent à leurs occupations comme il le faut. Il y a ces deux ans, nous remarquons la flambée des prix sur le marché. Certains d'aller alimenter s'achètent à des prix exorbitants. Les décideurs expliquent que c'est dû au manque de devises, mais nous demandons vraiment à ces décideurs de fournir tous les efforts pour que ces devises soient de mise ici au Burundi. Parle, rassure-moi. Le discours blessant se caractérise par des mots qui touchent moralement ceux qui les écoutent. Chartier Niyungeko, expert en transformation des conflits, signale que cela crée une tension entre ceux qui disent et ceux à qui le message est destiné. Car, précise-t-il, ces derniers se sentent agressés et réagissent souvent négativement. Il conseille aux gens d'analyser le contexte et les différents groupes qui vont écouter ce message avant de parler. Ornella Mouch. Le discours blessant contient un message dont l'auditoire se sent vexé et déconsidéré. Chartier Niyungeko, expert en résolution des conflits, explique que le message ne tient pas en considération le contexte dans lequel la société se situe ou l'histoire du passé. Il ajoute que la personne qui parle peut blesser sans s'en rendre compte. Quelquefois, ce discours crée un sentiment négatif. Parce que quand quelqu'un se sent visé, donc il va développer des perceptions négatives. En deuxième milieu, il y a ce sentiment de contre-attaque. Parce que des fois, lorsqu'ils se sentent visés directement, ils vont dire oh, « Ok, nous aussi, on ne va pas croiser les bras, on ne va pas sauter. » Et vous allez commencer à assister à un jeu de mots de deux côtés. Et après ce lancement de mots, il y a des tensions qui vont s'en suivre, bien sûr. Et après ces tensions, si rien ne se fait pour apaiser la situation, c'est l'affrontement. Il y a même des violences physiques qui peuvent s'en suivre. La vérité peut être mal dite ou jugée mauvaise selon les circonstances. Et par là, il conseille les gens, surtout ceux qui tiennent des discours publics, à toujours analyser le contenu de leurs discours. Comme comportement à tenir, surtout ces gens-là qui partagent des discours qui arrivent loin, c'est qu'il faut d'abord analyser ce qu'on dit. Il faut demander la question de savoir comment l'auditoire va se prendre, comment l'auditoire va réagir après avoir écouté ce discours. Et pendant l'analyse aussi, on doit se mettre dans le contexte. Et quand on se met dans le contexte, on doit se poser la question de savoir comment les différents groupes qui composent l'auditoire vont réagir. Parce qu'on doit savoir que chaque fois qu'on est en train de parler, on doit savoir que les gens qui écoutent diffèrent selon donc, les groupes sociaux, selon leur parcours, selon leur histoire. On doit d'abord être prudent, attentif et dire, ok, ce que je vais dire, je vais me rassurer que les gens comprennent d'abord pourquoi la raison d'être dans mon discours. C'est quoi ce que ce discours vient résoudre? C'est quoi ce que ce discours va apporter à l'auditoire? Il faut aussi avoir une guide pour avoir des balises, selon toujours Chartier Niyungeko. Il faut avoir une guide, si je puis dire. Il faut avoir des notes qui peuvent vous orienter chaque fois que vous êtes en train de parler. Essayez d'écrire quelque part pour que vous puissiez rester dans le vif du sujet et pour aussi avoir des balises. Parce que des fois, quand on est en train de parler, si on n'a pas de balises, si on n'a pas de garde-fous, des fois, on peut aller en dehors du sujet et se trouver en train de blesser les gens qui vous suivent. Et quant à l'auditoire, avant de réagir face à un discours blessant, il faut d'abord prendre le temps pour penser à une réponse appropriée au message offensant. Ornella Mucho, il est 13h03 à Bujumbura et sur Isanganiro. On revient maintenant sur Kayanza où nous retrouvons notre correspondant qui nous rapporte que certaines femmes de la ville de Kayanza ont abandonné leur famille de retour des Émirats Arabes Unis. Des hommes demandent au gouvernement burundais de mettre en place des textes réglementaires d'accompagnement des conventions de mobilité de la main-d'œuvre avec ces pays. Comme sur la gestion de l'économie familiale, il trouve que cela réduirait des cas d'abandon des familles qui s'observent dans certains ménages à cause de la fortune. Patrick Saint-Guillaume. Certains de ces hommes de la commune Kayanza, victimes d'abandon de famille faites par leurs femmes, mais de retour des pays arabes où ils les allaient travailler contactés, disent que cela leur était arrivé après avoir tout dépensé pour les trouver des documents de voyage et d'autres besoins nécessaires pour y arriver. Ils demandent au gouvernement burundais de prévoir des mesures d'accompagnement du décret présidentiel récemment signé portant l'accord sur le recrutement des travailleurs domestiques entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite. Ces hommes victimes d'abandon de famille est faite par leurs femmes, on dit que l'argent gagné par ces femmes dans ces pays arabes développe chez elles l'esprit de véhémence, ce qui consécutivement les conduit à déconsidérer leurs maris. Une des femmes burundaises et travailleuses et domestiques dans ces pays arabes avec laquelle nous nous sommes entretenus conseille d'autres femmes à cesser avec son mauvais comportement et soutenir plutôt leur mari dans le développement économique de leur ménage. Boniface Ndouimana, lui, président de l'association en détresse, Ivran Commune Kayanza de son côté, demande à l'État burundais la mise en place des textes réglementaires régissant la gestion de l'économie familiale de ces ménages, dont l'un ou l'autre parmi les conjoints seront travailler dans ces pays arabes. Il propose par exemple l'ouverture d'une compte bloquée dont les frais seront utilisés après le travail. Céline Ndaishimi, coordinatrice au Centre du développement familial et communautaire à Kayanza, précise qu'elle prévoit tenir une réunion très prochainement avec les hommes de la commune Kayanza victimes de violences de différentes natures. Depuis Kayanza, Patrick Senguva pour la radio Sanganilo. Actualité internationale. Le vol censé transporter vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni a été annulé. L'annonce avait été faite par le gouvernement britannique que le premier avion d'expulsion de migrants devait décoller ce mardi soir, direction le Rwanda. Finalement, la Cour européenne des droits humains a obligé le charter à rester cloué au sol. Au Burkina Faso, 3 jours de deuil national ont été décrétés en soutien aux victimes de l'attaque de Seitenga dans l'est du pays. Samedi après-midi, les habitants ont subi un assaut meurtrier d'hommes armés. Il y aurait eu 79 victimes selon le dernier bilan des autorités. À une 50aine de kilomètres de là, la ville de Dori continue de voir affluer les rescapés. Et les récents affrontements au Soudan ont fait au moins 145 morts et blessé plus de 180 autres depuis le début du mois de juin, selon l'Organisation des Nations Unies. Les violences ont eu lieu dans la région de Koulbous, dans l'ouest du Darfour, à 100 km au nord d'El Djenina, la capitale de cet État en proie à des troubles. Le conflit sanglant entre les tribus Djimir et Rizegat a éclaté la semaine dernière en raison d'un différend sur des terres agricoles. Les groupes locaux accusent souvent les miliciens de la RSF issus des tribus arabes de soutenir leur clan en affirmant qu'ils utilisent les armes contre les civils. En retour, les Rizegats estiment que les anciens rebelles qui sont toujours armés en raison de la non-application des accords de sécurité utilisent leurs armes contre les Arabes. Depuis l'irruption de la violence, environ 12 000 résidents de la ville ont fui la zone. Dans le même temps, les autorités soudanaises ont déployé des troupes, dont 80 véhicules de sécurité, pour mettre fin aux attaque et protéger 5 sources d'eau potable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grandes désarticulations avant de nous séparer. L'Assemblée nationale vient d'adopter un projet de loi portant ratification de l'accord d'assistance de 400 millions de dollars américains entre les États-Unis d'Amérique et le Burundi. Il s'agit d'un don qui servira dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'humanitaire. Et des citadins de Bujumbura demandent au président de la République de s'attaquer aux problèmes relatifs à la vie chère. Évariste Ndayishimiye totalise ce 18 juin 2 ans au pouvoir. Et des femmes de la ville de Kayanza ont abandonné leur mari et leur famille de retour des pays arabes, et c'est la désolation chez leurs anciens maris. Et dans la chronique Parler rassurement, vous l'avez suivi, un expert en transformation des conflits nous a donné des éclairages sur le discours blessant et ses conséquences sur la vie en communauté. Ainsi se referme ce journal à 13h08 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Innocent Ibonimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un bon après-midi. Thank you.